Première cueillette. Jean-Paul joue de son savoir-faire de jardinier pour décorer tous les rebords de fenêtres dès notre emménagement au chalet. Nous sommes en novembre, cyclamen et fuchsia ressortent joliment sur le bois sombre et patiné de la chambre. L'effet est très romantique à la lueur de la vieille lampe. Dès nos premières promenades, il m'a appris à regarder la nature, d'abord dans la belle campagne de Gros-de-Vaux, ensuite dans les environs d'Aigle et bientôt dans les Préalpes. Connaître les plantes a quelque chose de magique. Au début, un bord de route, une prairie ne sont qu'un anonyme amalgame de vers, une foule dans laquelle l'individu est inexistant. Bien sûr, j'y distingue un coquelicot parce que j'en ai vu dans les livres d'images, mais il ne faut pas compter sur moi pour aller plus loin. Souris des villes un jour, souris des villes toujours. La dent de lion, plus communément appelée pissenlit, ne m'est pas étrangère non plus. Comme Madame Larousse, j'aime souffler ses graines à tout vent. Or, un beau matin, voilà que je réussis à identifier le gaillet, le millepertuis, la reine des prés, le plantain, l'achillée millefeuille, la bourrache, la violette odorante, la pensée sauvage, la pulmonaire, le sureau, le bonori. J'ai trouvé une famille dont je reconnais les membres. Dans les Alpes, on ne croise pas, à 1400 mètres, la même flore que dans la riche campagne vaudoise. Comme nous l'avons vu, les plantes poussent souvent très très près du sol, car hiver prolongé oblige, il leur faut accomplir leur cycle végétatif en un temps relativement court. Après plusieurs semaines occupées à réviser nos connaissances, nous nous préparons aux premières cueillettes. Nous avons déniché dans le livre de Maria Tremon, La médecine familiale par les plantes, une recette de tisane de l'année qui échelonne toutes les plantes nécessaires par ordre d'apparition. Nous trouvons un immense bocal en verre et, au fur et à mesure qu'elles auront été cueillies et séchées, nous y empilerons nos trouvailles. L'an prochain, nous boirons notre tisane régulièrement et sans sucre, s'il vous plaît, ce que les enfants accepteront très bien. En ce printemps 1996, il n'est pas encore question d'aller loin. Thomas n'a que 4 mois. Bien qu'il soit un nourrisson précoce, c'est encore un peu tôt pour la marche. À la fonte des neiges, nous faisons le tour de la maison et composons avec ce que nous trouvons à proximité. Pour commencer, des bourgeons de sapin, d'un vert fragile et incroyablement tendre. Ils ont un goût légèrement citronné et donneront, macérés dans du sucre de canne, un excellent antitussif. Ensuite, les primes verts, qui soignent efficacement la toux, tout comme la pulmonaire et la violette odorante, pointent le bout de leurs pétales, puis c'est au tour des fleurs de tussilage dont on peut également faire un remède pectoral. Autrefois, on l'appelait filius ante patrem, le fils avant le père, parce que ses fleurs poussent avant ses feuilles. Le tout se mange en salade. La cendre des feuilles peut éventuellement remplacer le sel, et enfin séchées, elles peuvent se fumer. Il paraît, je l'ai lu quelque part, que ça soigne l'asthme. Le printemps s'installe vite. Laissant mes hommes et ma petite Charlotte prendre le soleil autour de la maison, je pars explorer les fossés avec Henriette. Elle sait les endroits où poussent le chénopode bonori et la bistorte, nos épinards sauvages de prédilection. Elle me les montre volontiers. Nous reviendrons en juin et septembre. Parfois, Henriette garde les enfants et c'est Jean-Paul et moi qui partons en maraude. L'ail des ours habille déjà tout le talus dans le grand virage à la sortie du village. Je le ferai macérer dans des bocaux d'huile d'olive. Et nous arrivons à parfumer nos tomes ou nos omelettes. L'ail des ours est suivi de près par la violette et la pulmonaire. Nous en prendrons juste assez pour tenir l'année, ayant soin de laisser au moins une fleur sur deux pour qu'elle se ressème sans mal. Nous les ferons sécher à l'abri de la lumière, soit à plat, soit sous forme de grands bouquets odorants. Beaucoup de ces plantes se raréfient, certaines sont protégées. Quand nous cueillons, nous le faisons avec gratitude et respect. Nous essayons de faire en sorte que notre passage passe inaperçu, imitant en cela l'exemple de Maria Tremon. Certaines plantes ne diffusent aucune odeur tant qu'elles sont en terre. C'est en séchant qu'elles libèrent leur parfum. C'est le cas de la spirule odorante, la vanille du pauvre, avec laquelle je confectionne des glaces géniales ou des crèmes brûlées extraordinaires. J'ai beaucoup de plaisir à récolter, au soleil de midi, les fleurs de dents de lion que je transforme en savoureux miel doré, Un peu plus tard, bien protégé par d'épais gants de caoutchouc, je prélève les trois premières paires de chaque ortie du gros buisson en face de la maison. Cuisinés à la poêle, les enfants les préfèrent aux épinards. Nous en faisons des potages, des pâtés ou, après infusion, une gelée qui sucrera les fraises des bois et en exaucera l'arôme. Je trouve du plantain partout. Voilà une plante à tout faire. On dit qu'elle peut guérir jusqu'à 24 maladies. Elle est à la fois astringente et émolliente, qualité rarement associée. D'ordinaire, une plante astringente a une action opposée à celle d'une plante émolliente. Or, le plantain a le double pouvoir de resserrer les tissus et de calmer la douleur. Une piqûre d'insecte, une brûlure d'ortie, vite, une feuille de plantain. On l'écrase un peu entre les doigts, si la feuille est épaisse, on la mâchouille. On frotte l'endroit douloureux et on reçoit un beau sourire. Dans pas si longtemps, il nous suffira d'aller sur Internet pour trouver la réponse à bien des questions qui nous passent par la tête. En attendant, nous nous contentons de nos livres. À force de chercher des informations, de lire et relire, je m'amuse de voir que chacun d'eux est plus ou moins spécialisé dans les maladies qui touchent l'auteur du bouquin et sa famille. Ainsi, certaines lignées souffrent de complications cardiovasculaires, d'autres sont atteintes dans leur ossature, d'autres encore sont fragiles des bronches, alors que les dernières subissent des problèmes de peau, à moins qu'il ne s'agisse d'ennuis psychiques. La nature a réponse à tout. Je n'oublie pas que la phytothérapie a précédé la chimie. En cherchant du côté de notre famille, problèmes cardiovasculaires chez Jean-Paul, pulmonaires ou psychiques pour moi, nous étudions les plantes qui nous sont directement profitables. Inutile de surcharger notre mémoire dès le départ. De toute façon, devenus passionnés, nous nous empresserons de faire profiter tous nos amis et connaissances de notre science toute neuve et enrichirons notre savoir au fur et à mesure des demandes, en fonction des histoires familiales spécifiques. L'eczéma du nourrisson dont notre fils est affligé depuis sa naissance ne s'atténue pas vite. À 6 mois, il en est couvert. C'est très impressionnant. Les gens nous arrêtent dans la rue pour le regarder. On se croirait dans Freaks. Nous aimerions bien l'empêcher de se gratter et de se faire de vilaines cicatrices. Dans un petit ouvrage remarquable d'efficacité, je trouve 2 remèdes pour soulager ces démangeaisons. D'une part, une infusion de pensée et de trèfle rouge à ajouter dans ses biberons d'eau. D'autre part, une pommade au souci. L'eczéma de notre futur Don Juan durera environ 2 ans, mais ainsi soigné, il ne laissera aucune trace, pas plus qu'il n'amoindrira sa joie de vivre. Cette première année au chalet est expérimentale à tout point de vue. Nous cherchons nos marques, installons notre nid, délimitons notre territoire. En même temps que nous faisons nos premières cueillettes, Jeannot ouvre le potager. Il définit l'espace, fait de la place, creuse les sillons, enlève les cailloux. Autour de mai et juin, il plantera les légumes. La saison ici ne dure que 3 à 4 mois. Il faut faire attention de ne pas rater le coche. À 2 semaines près, c'est trop tard. Au début de l'automne, tout est récolté, conditionné, soit sous forme de conserve, soit au congélateur. Nous faisons beaucoup d'autres expériences, dont certaines passablement dangereuses pour notre ligne. Avoir arrêté de fumer exige son tribut de compensation réconfortante, sérotonine et dopamine. Caramel à la crème, tresses, gâteaux, brioches, sur séquelles de grossesse font augmenter mon tour de taille de manière conséquente et irréversible. Et cette fois, l'allaitement ne m'aide aucun secours pour récupérer ma ligne. Là aussi, Jeannot, le dégustateur, m'accompagne, me devance même parfois, ce qui me fait lui dire tendrement « Tu vois, nous vieillirons et grossirons ensemble ». Avoir un potager, faire des cueillettes n'exclut pas l'achat, si possible en gros, des autres fruits et légumes de saison que nous aimons. Des fraises pour mélanger à notre rhubarbe, des abricots du Valais, des pruneaux qui seront transformés en confiture ou cuits au sirop ou encore congelés sur des plateaux afin d'être utilisés pour de futurs gâteaux. Nous essayons d'éviter les achats inconsidérés de produits venant de l'autre bout du monde à grand renfort de kérosène. Ce n'est pas toujours facile et ne va pas sans provoquer certains crève-cœur. Mais nous y parvenons à force de bonne volonté. À l'entrée de l'hiver, j'achète les pommes de terre que j'entrepose à la cave. Elles sont rejointes dans le même temps par plusieurs cageots de pommes. Notre canton de Vaud jouxte celui du Valais et une fois par mois, un adorable papy, colporteur des temps modernes, fait la tournée avec son bus Volkswagen rempli de marchandises. Bien sûr, je l'invite à boire le café pomme chaque fois qu'il passe. Il adore regarder les enfants jouer. Il nous raconte sa vie et les nombreux déboires qu'il rencontre avec ses charlatans de médecins qu'il fréquente assidûment. Il aime bien s'attarder chez nous. Manifestement, nous sommes les seuls ici à lui montrer un peu d'affection. Un jour, Fred, mon beau-frère, nous fera cadeau de son dessicateur, de son stérilisateur et de son extracteur de jus. À partir de là, nous serons entièrement équipés pour stériliser nos bocaux, extraire le jus du sureau noir ou des coins, ainsi que pour sécher les champignons, les pommes et les haricots verts. Quoique pour ces derniers, je préfère l'ancienne méthode, qui consiste à passer dedans un très long fil avant de les blanchir dans de l'eau salée, puis de les suspendre d'un mur à l'autre comme de jolies guirlandes végétales, prêtes à sécher et à concentrer goûts et fragrances.